Les yeux dans la banlieue, volume 2, Kingsley du 9-3, Workaholics à la prod, Didier Lord, Camille, DJ Goldfinger, ok, c'est le freestyle, la relève, volume 2, 93, tous des mecs dangereux, interdit au trimar, yeah, yeah. Y'a pas testé petit, tu vas te faire piétiner sans pitié, hein. On est beaucoup d'un coup, on veut tout d'un coup. Protège ton cul d'Arlou, ça part tous partout. Avec tes billes tu pouvais pas prier, car y'avait pas prié. Ma clique c'est des babous en boutou qui disent papi aux sale petit babou, sale ta bouche. On s'en fout ta bite, y'a pas de tabou, on t'a moche, on pète ta bouche. C'est la France aucun fric, on aura les gros CFA en baisant les gros CFA. S'il sera pendant les meutes, je vais t'embrasser ma pute. Partir sans tout niquer, non, fais confiance. On parle de Sonique, fils de Traoré et de Camara. Alors Barbara, retourne-toi à la Barbie. Ça va devenir barbare, si tu veux barbier un barbara. Fais gaffe, sale bouffon, tu vas bouffer des baffes. On t'avance la passe et le pisse. Un bon carré vocal, lâche des rafales sur la proche. Disparaît trois semaines histoire de faire nage à la poudre. Les yeux dans la banlieue, sur les gros tarmas. J'fais la pute pour mon skeu des mongols de Ketama. Comment ça y'a pas de place pour nous? On arrête pour tout ken comme dans un porno. On porte nos couilles et des plombs, pas des coupes. Quand on découpe, car la frappe, on découpe. Écoute, faut pas rivaliser avec les mecs des cours. Fanzer, pilote, 1143, banquette, plafond, somme conquête, filoche, grosse enquête, police, grosse conquête, enquête du dernier AMG. On vend tous, qui se coupe tous, qui peut se mélanger. Caractère nerveux, paranoïaque. On a le nez dans des histoires qui puent l'ammoniaque. Les yeux dans la banlieue, tu sais très bien, ça vient d'où. On a reconnu le talent, continue dans ce secteur fou. J'arrive, j'avance, et puis personne ne m'arrête. Tellement d'avance de son qui n'ont même pas encore démarré. Tellement de flots, tellement de phares, tellement de rimes, tellement de phares. C'est rare des fois, c'est grave, il m'étudie sur d'autres barèmes. Même NSM dit que le son comme la taille à Bangkok. J'ai l'oreille musique à celle qui arrache tout comme celle de Bangkok. 24 la BM, le temps mes secondes garées dans le box. Parfois tu veux me tester, attends deux secondes, j'mets mes grandes box. 1-2-1-2, pas mal clic, c'est les yeux de la banlieue. 22-22, nous test, c'est dangereux. Le son est nerveux, va faire des envieux. Écrase ton joint de bœuf, écoute-moi, c'est du sérieux. Dans le milieu, les petits graveurs se font sauter comme les permis de conduire. On veut tout sortir, blazer mis, construire. C'est pour mes raps, ça m'énigue et la famille, les soldats. DJ Lord, Chami, DJ Goldfinger, 9-3 Black Tournante. Quand les Schmitt font des descentes, ils embarquent tout le monde. C'est ça d'être au gourmand. Au commissariat, tous mentent, s'enfonce doucement. Le crime augmente, on dit mon ghetto. Trafic d'armes de pédo. Arrêtez de jouer les voyous, ou on va vous casser le dos. 9-3-4-0, je dérape ça à des négros. Une spéciale pour soi, Vallestro et mes 4-0. Les coups des départs d'un bloc, c'est cooker à putain de plaque. Le beat, viens le plier, surtout crois pas que je blague. Les yeux dans la banlieue, ce n'est pas un film gore. C'est la relève hardcore, avec le DJ au doigt d'or. 93, Wilson les bosquets, clic clac. Le micro je l'ai boxé, moi je lui ai pas mis des petites claques. C'est du lourd négro et tout le son qui déclate. Les jaloux prennent la haine, mais je les ken sur un clic clac. Les gars la Wilson on débarque, on fout l'belle, on se démarre. Je suis comme Max, au quart de tour on démarre. Déo ou débat, on coupe court au débat. Donc cherche pas à négocier ou à débattre. À fion ou à débattre. Notre but c'est changer ta débâcle. Mettre en avant ma démarche. Jamais on s'attarde, toujours on combat. Donc pas le temps de t'en poncer. Sourcils font foncer. Joint au bec défoncé. On pense qu'à fond foncé. Moi c'est mes somailles, dans ma lapo pocomat. Adidas comme ça peut pas, j'm'endors toujours avec d'autres fins orales. Sereille mon attitude, on domaine 9-4-9 cubes. Si j'vois trop de trucs et deb, c'est comme ça c'est mon bec tout. J'écris sous caféine, avec ma vie comme ligne. Quand ça va mal, ça fait du bien d'écouter un peu Jean. Jean normal, mec j'ai la culture dite immigrée. C'est quoi, Algérien mec, c'est mon petit ticket. Quand les balles pleuvent, c'est qu'une cible facile pour le paradis. Même si t'es pas rapide, tire ou sort ton parapluie. Faut pas répleu, n'est pas autorisé. Ce que font les momos policiers, dites aux autorités. Ici la drogue est monopolisée. Entre le narval, genre mes faces, tu connais le place. Londres 93, ma cité qui sort des bases. Le rap, j'épouserai ça, sœur. MC, j't'épouserai Tyson. C'est noisy secteur, on tâche des faces, façon tasse. C'est pour les galériens, pas pour les putains qui te lâchent quand t'as plus rien. Très bien, aujourd'hui t'es bien, mais demain t'es rien. C'est rien. Sérieux, c'est pas la fin de ma série. Moi il me faut le BM numéro 7 de sa série, yeah. Le peur à sa race, la réussite ça s'arrose. Quand tu veux on s'arrange, dans la tessie on voit rouge. C'est la douane, Londres, noisille sec, on sort au tirage. Les yeux dans la banlieue, on est foncé dans les virages. Moi j'suis pas trop dans les critères, j'suis plus dans l'écriture. J'évite les kisters, squatte le bitume et ses pitures. Comme d'habitude, la biture. Comme d'habitude, ça bise but. Bise les petites putes, on est des pitbulls. Ici on pense qu'au sas, on parle qu'en cesse. Pour des trucs bizarres on se consacre. Moi j'attends pas qu'on me sacre. J'vais tout droit du Londo 93-130 à base de couteau dans le dos.